Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. On reçoit Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori et l'éditorial culturel de Sébastien Dubune va voir ailleurs, j'y suis. Ah, Sondage requis, ça commence tout de suite, hein? Là. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de CFO à Trois-Rivières en ce mardi 18 octobre 2011. Et moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. Oui, bonjour François Olivier. Bonjour Mathieu Plante. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Merci beaucoup, de rien beaucoup. Donc, une belle journée. Oui. Remplie de froid. De froid, ben oui. Puis il fait vraiment noir le matin, hein? Oui, il fait noir. Puis, avant, on pouvait regarder le lever de soleil ensemble. Non, mais ben là, c'est terminé. C'est fini. C'est ça. Terminé. Jusque, d'après moi, ça devrait revenir peut-être en mars. Mars. Ben, je sais pas. Ça a l'air loin. Ça, ouais. Ouais. Ça a l'air très loin. Ouais. Effectivement. Et puis, ta Corsica va toujours bien. Number one. Ça fait moins de bruit qu'hier. Un petit peu, puis en fait, là, ça va encore diminuer. Là. Ouais. Espérons-le. On rappelle que François-Olivier est passé d'une Tempo à 88. C'est ça? Ouais, à une Corsica 91. C'est ça. Ça va tranquillement. À peu près le même millage, en plus. Ah oui? Ouais, j'avais dépassé 100 000 kilos avec la Tempo. Uh-huh. Et puis, celle-là, vois-tu, elle a 106. Ah, fait que tu pourrais pas voir le changement des chiffres. Prendre ça en photo. De la Tempo? Ouais. Ouais, non, je l'avais dépassé, puis j'avais oublié. Ouais. Ah! Triste. Aujourd'hui à l'émission, on a plein de choses pour vous. Vous allez capoter bien raide. On va avoir tout à l'heure la chronique C'est un fait, évidemment, qui s'en vient. Le tour du journal Zone Campus, avec le hockey, là, en couverture. Profitez de cette belle photo qui... La panique des Patriotes. Oui, entre autres. Ouais, c'était la panique, ça? Ouais, bon. Donc, première à la hauteur des attentes. Donc, les Patriotes avaient gagné, alors que récemment, un des matchs plus récents, ils avaient perdu, là. C'est ce qu'on avait entendu de la part de Nicolas hier. Exactement. C'est ça. Donc, sur votre Zone Campus dans la première heure, il y aura aussi, d'ici la fin de l'émission, Stéphanie Gagné à 8h. Il s'est chronique Ton plat favori. Elle nous présente des bonnes pièces de chansons de musique, là. De bonnes pièces de chansons. Oui, elle va entre autres nous faire entendre du Radiohead. Re? Radiohead Re. Et du Alex Nevsky Re. Ah, bon. Bon, c'est tantôt dans Ton plat favori. Et puis, en fin d'émission, à 8h30, la chronique de Sébastien Dulude. Oui, exactement. Très bonne chronique. Hein? Je l'ai pas entendu encore, mais je l'ai lu. Tu l'as lu dans le journal? Je l'ai lu. Tu vas avoir des moments de déjà-vu. Oui. À la radio. Oui. C'est sa chronique mondaine, où il parle des gens d'ici, tout partout, qui disent des affaires et qui font des choses. Oh, ouais. C'est drôle. Très, très bon. Tout à l'heure, donc, on commence l'émission avec Dan Mangan. Voici Oh Fortune sur C'est fou. 89.1. Bonne émission! Ben, okay, bonne émission, toi. Toi? Twill, double. Twill, là. T'entends notre auto. Oh, fortune, bring fortune to spare. Time's passing. We're worsing for wear. Aching for breathable air. Oh my God, it's killing me. chances, oh forces of luck. Fields arid, windows boarded, enough. Sera plus jamais pareil. Welcome. se le disent plus tellement souvent depuis déjà un bon moment. Ils ne le savent pas encore, mais demain, au réveil, rien ne sera plus jamais pareil. Marc Derry et welcome dans l'ensemble de la Jockey sur C'est Fou 89 FM. Bienvenue. Bienvenue. C'est peut-être pas pareil en français, c'est peut-être mieux welcome, je pense. Avant de continuer avec la chronique sur votre zone campus, on parle un petit peu des choses qui se passent sur le campus. Sur le campus, effectivement, vraiment pas beaucoup de choses. On sait qu'en fait, là, cette semaine, c'est la semaine des examens. La semaine prochaine, c'est la semaine de relâche. Mm-hmm. Donc voilà, j'ai eu une activité peut-être à vous conseiller. Et ça se déroule le 23 octobre, ce qui veut dire dimanche, à 19h, au local 4015, pavillon Ringuet. Évidemment, c'est gratuit. C'est une séance Cinéma Clap Campus. Cinéma Clap Campus. Oui, exactement. C'est tous les deux semaines un film qui est diffusé par l'association du Clap Campus. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde est welcome. Welcome. Donc voilà, en fait, c'est ce qui fait le tour pour cette semaine. C'est super, c'est pas grand-chose. Hein? Non, c'est vraiment pas grand-chose. Ça arrive. La semaine prochaine non plus, je pense que... Non. On la fera peut-être même pas, cette chronique-là. Bon, on pourrait la faire. Juste parler... à la limite, je peux en parler maintenant. Ça va être les portes ouvertes de l'UQTR le samedi, le 29 octobre. Et ça se déroule à partir de 11h au CAPS. Donc voilà, tous les services de promotion et d'information sur les études organisent la journée porte ouverte afin de permettre aux futurs étudiants de venir découvrir l'UQTR. Menu, en fait, visite des pavillons, laboratoires, résidences, occasion de rencontrer les responsables de programme qui seront à leur kiosque toute la journée. Donc si vous avez des questions, c'est vraiment la place. Ça se déroule le samedi 29 octobre au CAPS et ça commence à 11h. On retient ça. On retient ça, mais on en reparlera la semaine prochaine. C'est sûr. Donc, comme je le disais, maintenant, on parle du plus récent numéro du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. On parle du numéro qui est en kiosque du 17 au 30 octobre 2011, donc depuis hier, le volume 7, numéro 4, avec en couverture les Patriotes qui ont gagné leur premier match, une première à la hauteur des attentes, sous les cris des 350 participants. La formation de hockey des Patriotes a remporté sa première partie à domicile. On les congratule. Congratule. C'est du verbe congratuler, hein? On les félicite. Commençons par les actualités. Les employés étudiants de l'UQTR se sont syndiqués. Donc, la création de l'Astre UQTR, c'est ce dont on parle en presque première page. On voit des gens bien connus sur la photo. Oui, notre préféré, Simon Fitzbé. Oui, exactement. Ainsi que d'autres, et aussi Frédéric Desrues. Oui, l'ancien président. C'est ça, tout à fait. L'ancien président et ancien aussi, comment t'appelles là? Ouais, vice-président. Vice-président aux affaires sociopolitiques. Voilà qui a démissionné. On en parle un petit peu plus tard d'ailleurs en actualité. Sinon, on parle aussi de plusieurs décisions importantes qui ont été prises lors de l'Assemblée générale chargée de la GIEQTR qui avait lieu le 28 septembre dernier. Sinon, ensuite, on parle des étudiants qui sont sortis dans la rue pour manifester contre la hausse des frais de scolarité. Ça, c'était le 4 octobre dernier. On revient un petit peu sur la démission, comme je disais, de Frédéric Desrues à la GIEQTR. Dans l'éditorial de Simon Fitzbé, il parle comment on appelle ça déjà? La hausse des frais de scolarité encore. Hein? Oui, ça, c'est de la manifestation, en fait, comment les étudiants s'expriment. par rapport à ça. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. J'aime ces intertitres, les petits titres de paragraphes qu'on appelle les intertitres dans le domaine des journaux. Il y en a un qui c'est les imbéciles. Ouais. C'est toujours. Il parle justement, en fait, là, de. Ben, je le dirai pas. Que le monde le lise, mais dis-le rapidement. Ouais, ben, que les étudiants, en fait, avaient fait un coup d'éclat en s'invitant sur un plateau de Radio-Canada. Ah, OK. Puis, ça n'avait pas eu l'effet escompté, loin de là. On parle de bourse universitaire. Ça, c'est Guillaume Rivet qui signe cet article-là. Il faut oser s'inscrire, dit-il. Et puis, il revient sur la Semaine québécoise de réduction des déchets qui a lieu en ce moment même du 17 au 20 octobre. Il dit « Agir un geste à la fois ». Donc, allez lire cet article-là dans la section « Actualité ». Dans la section « Société », en fait, Jean-François Veilleux nous parle, pour sa deuxième partie, des 10 dates importantes à savoir dans l'histoire de Trois-Rivières. Donc, c'est la deuxième partie. Ça en fait 20 en tout, ça. C'est... Proche, plus ou moins 20 en tout, mettons. C'est pas genre? Ouais. À moins que ce soit 5. Je comprends ton humour. Ouais, c'est pas vraiment d'humour. C'est une remarque. Ouais. Il y a aussi Michael Magny qui nous parle de vie spirituelle. Il se pose la question « À quoi bon ?» En effet. On a un spectacle. Évidemment, t'as sauté les jeux, hein? Ah, les allez jeux. Allez faire les jeux, c'est important. Ben, on voit des gens les faire, hein, les jeux. Oui, exactement. Souvent dans mes cours, en plus, là, quand c'est moindrement bon, je vois des gens... Ah ben. Mais ça sert à ça. Il y a une chance qu'on met ça dans le journal, hein? Sinon il n'y aurait aucune autre source de jeu nulle part. Dans la section Art et spectacle, maintenant, on parle de trois expositions à voir à la Galerie d'art du Parc, dont Greffon 2011. On parle un petit peu en résumé de la pièce Les Belles Sœurs, une pièce incontournable malgré l'absence de certaines des actrices principales de la pièce. Elles n'étaient pas là, donc ça devait être les stagiaires qui jouent les rôles. Les stagiaires, pas payés. Non, c'est ça. On parle d'improvisation à la chasse-galerie. On dit que la huître a séduit le public. Et puis on voit en grande photo, entre autres, un des capitaines, là, Maxime Tanguay, animateur sur nos zones. Tellement séduisant, ce photo-là. Oh, c'est ouais. Beau, c'est beau, c'est beau. L'ancien album de Benoît Rochelot. Et puis, sinon, comment qu'on appelle ça, là, des courts-métrages, un genre de diffusion de courts-métrages au Centre Pauline Julien. C'était lancé le jeudi 6 octobre dernier. Comme un peu des kinos, je pense. Un peu comme des kinos, ça s'appelle Les Petites Vues. Les Petites Vues. Intéressant, ça. Intéressant. Et puis, il nous reste la chronique de Sébastien Duluc qu'on va entendre un petit peu plus tard dans l'émission d'aujourd'hui. Oui. Il appelle ça Chin Chin, chronique mondaine. Chin Chin. Il fait une parodie des chroniques de choses, là. Comment il s'appelle, là? Pas Roland, là. Comment il s'appelle? Je sais pas exactement c'est quoi son nom, mais dans la nouvelle liste, là. Ouais, c'est ça. Avec les gens d'ici, là. L'affaire super fromagerie, là. Ouais. Mathieu aurait le culot de roter en ondes, il se retrouverait dans la nouvelle liste. Caroline, je vais m'essayer. on parle de quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je sais pas si tu connais le jeu Arkham Asylum, le Batman, là. Non. Les jeux vidéo. Non. Ben, à la vieille prison de Trois-Rivières, de la mi-octobre à la fin du mois, la vieille prison va se transformer en asile Arkham. Donc, un parcours des plus effrayants vous attend lors de cette activité lors du commun. C'est une affaire pour l'Halloween, mais avec des références Batman, Arkham Asylum. Je pense que ça fonctionne bien, la vieille prison à Trois-Rivières. J'espère, parce que c'est une très bonne idée. Bon, oui, exactement. Voilà pour les arts et spectacles, François. Formidable. Formidable. Du côté des sports, on parle en fait, là, c'est sûr, on parle pas mal tout des Patriotes. Hein? En général, oui. Ouais, exactement. On parle de la deuxième compétition de cross-country. On revient aussi sur l'happening soccer qu'il y a eu et qui a connu tout un succès. Mm-hmm. Mettons. Mettons. On parle de la première compétition aussi du club de natation. Soccer féminin, les Patriotes marquent l'histoire. Oh, ça a vraiment tombé. Hein? C'est rare que ça tombe. Ce micro-là tombe une fois par genre année, là, parce que les gens ne visent pas assez. Mais, ouais. Ça tombe sur moi. Tiens, là, c'est pas grave. Ouais, donc, on a de l'équipement neuf, mais des fois, ça tombe pareil. Hein? Exactement. On parle aussi en fait, Maxime Bilodeau nous parle du dopage. Ah, intéressant. Le mythe du dopage démystifié. On parle aussi des Patriotes golf. Et on revient, comme tu le mentionnais, en fait, là, sur la une, des Patriotes hockey. Donc, qui ont gagné leur première partie ici avec une foule qui criait et qui était présente pour une des rares fois. Super, ouais, contrairement au soccer. Hein? Voilà pour le journal Zone Campus, édition du 17 au 30 octobre 2011. Ça va être en kiosque, ça, pendant 2 semaines. Évidemment, et allez voir sur zonecampus.ca pour certains des articles, en fait, la plupart des articles importants du journal. Et puis, vous pouvez aussi commenter là-dessus et les partager sur Facebook de façon encore plus simple qu'avant, parce que depuis la semaine passée, j'ai ajouté un gugus Facebook encore plus qu'avant. Ça fait que tu peux juste cliquer pour le liker sans rien faire de plus. L'article? L'article. Like OK. Like moi ça. T'sais, tu peux le partager encore comme avant avec le petit lien partager Facebook. Là. Okay. Tu peux aussi juste liker pour ceux qui sont vraiment, tu sais, je veux juste cliquer sur des affaires, j'aime ça. Et je sais, en fait, là, que de plus en plus de monde qui participe aux discussions des, ben oui, ben oui, des ben articles. Oui. Ça, est-ce qu'on peut les liker aussi? Si tu peux liker les discussions, tu peux juste liker l'article, tu peux pas liker le okay. commentaire de la personne, c'est, okay. ça marche pas. Ça. Okay. Mais c'est bien, allez voir et oui. participer. C'est vraiment bien. Ça vaut la peine, ça crée un petit lien d'appartenance envers quelque chose. Si vous n'êtes pas pour aller au match des Patriotes, bon, au moins, likez les articles de Zone Campus. Hein, exact. Genre, ça s'équivaut, non? Ça... ouais, ouais. Mais ça. Voilà, donc zonecampus.ca, c'est la place où aller. Vous êtes toujours à Assemblage Requis au 89 FM, c'est fou. Déjà 7h22. Oui. Déjà. Tout à l'heure, on va avoir la chronique CNX qui s'en vient avec les nouvelles geeks du jour. Et dans les nouvelles geeks du jour, on parle entre autres un petit peu du iPhone 5. Hein, apparemment que c'était le projet posthume de Steve Jobs, donc il s'était rendu jusqu'à la fin du design. Donc on devrait peut-être avoir encore un petit peu de Steve Jobs, de choses à la Steve Jobs dans le prochain iPhone. Et aussi, sur YouTube, des vidéos pour enfants qui ont été remplacées par de la porno. Ha! Temporairement. C'est bien. C'est une bien. Bonne idée. Bon, on en parle. Tu pognes de quoi? ouais, ben... Je veux dire, moi, non, je ferai pas de mauvais jeu de moi avec Punk de quoi, puis non. La porno pour enfants. Peter, tergiverse tout de suite sur C'est fou, avec la jolie cœur de pirate. De feu font la guerre à mon estomac et des amis. Je n'en ai pas, je me redresse tout plein de maladresse. Avec douance, je sombre en défaillance. Je vais seul, je ne m'en plains pas et des amis. Je n'en veux pas, je tergiverse entre le sud et le nord. Je connais la ville de haut en bas, et mes pas, en effet, vont trop bas, et mes hauts ne vont jamais assez haut, ne vont jamais assez haut, ne vont jamais assez haut, ne vont jamais assez haut. Bon d'accord, j'ai peut-être débordé, mais aujourd'hui, je sens que ça va mieux, ça ira, c'est vrai, je te l'assure. Et l'important, c'est que ça te rassure. Je tergiverse entre le sud et le nord. Je connais la ville de haut en bas. Et mes pas, en effet, vont trop bas. Et mes hauts ne vont jamais assez haut. Je tergiverse entre le sud et le nord. Je connais la ville de haut en bas. Et mes bas, en effet, vont trop bas. Et mes hauts ne vont jamais assez haut. Ne vont jamais assez haut. Ne vont jamais assez haut. Ne vont jamais assez haut. Comment ça va toi? Comment va? Comment ça va toi? Comment ça va à l'école? Comme on dit toujours, ça va bien, bonjour. Oui, mais moi, je ne vais plus à l'école. Et comment ça va toi? Ça va bien? Comment tu t'appelles? De quoi je me mêle? Cela ne te regarde pas. Moi, je ne vais pas. Et puis quoi encore? Tu me diras qu'il fait beau dehors. Dis-moi où tu vas, dis-moi d'où tu viens, dis-moi tout, dis-moi presque rien. Dis-moi si tu penses revenir, serait-ce indiscret, cher ami, de te demander quel âge aurais-tu si le monde venait à s'écrouler. Je tergiverse entre le sud et le nord. Je connais la ville de haut en bas. Et mes bas, en effet, vont trop bas. Et mes hauts ne vont jamais assez haut. Je verse entre le sud et le nord. Je connais la ville de haut en bas. Et mes bas, en effet. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis jusqu'à 9h. Toujours assemblage requis, et maintenant c'est la chronique Phoenix. La chronique Phoenix, c'est celle où on passe les nouvelles geeks en revue depuis hier, évidemment. Alors, on commence avec RIM, c'est Research in Motion sur le BlackBerry qui offre des applications gratuites après la panne mondiale. On n'a pas parlé tellement de la panne mondiale parce qu'il y avait tellement de nouvelles là-dessus partout qu'à un moment donné, ça aurait été redondant. Mais on revient sur ce qui s'est passé un petit peu. Donc, Research in Motion offrira gratuitement à ses utilisateurs de BlackBerry une sélection d'applications dont la valeur est estimée à 100$. 100$! 100$! Tiens, dans ta face! L'entreprise basée à Waterloo, en Ontario, affirme que cette mesure vise à remercier ses clients de leur patience lors de la récente panne mondiale qui a affecté des millions d'utilisateurs. Les interruptions pour les services de courriel, messagerie instantanée et Internet ont débuté lundi dernier en Europe avant de toucher le Moyen-Orient et l'Afrique, puis le Canada, entre autres. La situation était revenue à la normale jeudi dernier après 4 jours de panne. Les applications seront disponibles au cours des prochaines semaines et demeureront gratuites jusqu'au 31 décembre. RIM affirme également que ses clients bénéficieront d'un mois de soutien technique gratuit. Dans un communiqué publié tôt lundi, Mike Lazaridis, co-chef de la direction de RIM, a indiqué que l'entreprise remerciait ses fidèles utilisateurs. RIM compte environ 70 millions d'abonnés au service BlackBerry dans le monde entier. Quand même, hein? C'est beaucoup de gens. Ça, Simon fait partie. Ouais. Ça? Ah ouais, c'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup de gens. Revenons de l'autre côté de la clôture avec l'iPhone 5, attendu sans doute au printemps 2012. Ah! Printemps 2012. Là, c'était l'automne depuis des années, mais soudainement, là, on dit printemps 2012. Non, mais ça, c'est des rumeurs. Là. Ça... Est-ce que ça va être ça, pas sûr? Non, non. Loin de là, loin de là. Ils viennent de sortir le 4S. Oui, c'est ça. J'espère qu'ils veulent le vendre un peu. Là. Exact. Et moi, de toute façon, je pense vraiment que Apple a décidé de fusionner leurs événements iPhone et iPod à l'automne. Ben oui, c'est comme ça. Ça va être de même pour un bout. C'est ce que je pense. Mais bon. Donc, le prochain iPhone 5 a été supervisé par Steve Jobs de sa conception jusqu'au design final. Grand absent de la dernière keynote d'Apple d'introduction de l'iPhone 4S, l'iPhone 5 sera-t-il le dernier grand projet de Steve Jobs? C'est ce qu'a révélé au site CNET Ashok Kumar, analyste chez Rodman & Renshaw. Et je cite, c'était le dernier projet dans lequel il était directement impliqué du concept de départ jusqu'au design final. Pour cette raison, ce produit établira un nouveau record en termes de volume. Bon. Selon lui, cet iPhone 5 sera un objet culte, il sera plus fin et possédera un écran plus large. Hein? Ça, c'est ce que tout le monde disait avant le 4S, puis c'est pas vraiment ça qui est arrivé. Mais peut-être pour l'iPhone 5. J'avoue que c'est l'opinion que la plupart des analystes ont depuis la sortie de l'iPhone 4S, c'est qu'Apple fait un nouveau modèle à chaque 2 ans, et puis entre les deux, il y a une mise à jour significative de l'intérieur, mais que l'extérieur reste la même. Bon. Selon un autre analyste, toujours cité par CNET, Jobs se savait condamné et il n'avait pas participé à l'élaboration de l'iPhone 4S. Ouais. Ben, ça se pourrait. Donc, il aurait élaboré l'iPhone 5 en prévision de le sortir plus tard et entre les deux, il y avait une autre équipe qui s'était consacrée à juste améliorer les intérieurs et changer le processeur. Ça aurait du sens. Ça aurait du sens. Bon. Parlons de piratage maintenant. Un des fondateurs du site de Pirate Bay est condamné malgré son absence. La cour d'appel de Suède vient de confirmer la peine infligée au 4e fondateur de Pirate Bay, Gottfried Svartholm Varg. Gottfried Svartholm Varg. Il n'avait pas su se rendre à son procès pour des raisons médicales. Encore absent en appel, il vient d'être condamné par contumace, qu'on appelle. Dans le procès formé à l'encontre des fondateurs de The Pirate Bay, le cas de Gottfried était toujours en suspens. Il avait invoqué des raisons médicales et une hospitalisation au Cambodge. Au Cambodge? Je pensais que c'était le nom d'un hôpital, j'allais le dire en anglais. Au Cambodge. Pour ne pas se rendre au tribunal en appel. L'exécution de sa peine avait donc été repoussée. Cette fois, la justice confirme son jugement et condamne Gottfried à 1 an de prison ferme. En novembre dernier, les 3 administrateurs du portail avaient été condamnés à des peines de prison allant de 4 à 10 mois. Ils devaient également régler 5 millions d'euros au titre de dommages et intérêts. Dans sa décision, la Cour d'appel de Suède considérait que The Pirate Bay a facilité le partage de fichiers illégaux qui a conduit à la responsabilité criminelle de ceux qui administrent le service. Pour les 3 défendeurs, la Cour d'appel pense qu'il a été prouvé qu'il participait à ces activités de différentes manières et à différents degrés. De son côté, Peterson, de l'un des pairs de la plateforme, a déclaré au site Torrent Freak qu'il n'avait plus de contact avec son ancien collègue et je cite « C'est un peu étrange de mettre quelqu'un en prison parce qu'il est trop malade pour se présenter devant la cour. Personne n'est en contact avec lui. » En attendant de reprendre le contact, Peter Sund a porté l'affaire devant la Cour suprême afin de contester la condamnation des trois autres créateurs de The Parody. Toujours dans le domaine du piratage, on en parlait tantôt, des vidéos pour enfants remplacées par du porno. Ouais, c'est quoi cette histoire-là? YouTube. Ben oui, dans la journée de dimanche, la chaîne officielle YouTube de l'émission pour enfants 1 rue Sésame, là, Sesame Street, là, s'est vue inondée de vidéos à caractère pornographique. Il a fallu 22 minutes à l'équipe de YouTube pour réagir, 22 minutes qui est environ la durée d'un épisode de Sesame Street en passant. Les internautes qui sont rendus sur la page YouTube de Sesame Street ont, au mauvais moment dimanche, ou au bon moment dépendant, ont eu une surprise des plus déplaisantes, d'autant qu'on imagine que ce genre de vidéo est surtout visionné par des enfants et leurs parents. Voilà. Un grand nombre de vidéos porno sont venues parasiter le contenu initial, composé de scénettes mettant en scène les marionnettes du célèbre programme à destination des plus jeunes. Au bout de 22 minutes, les vidéos incriminées ont été bloquées par YouTube, qui indiquait qu'il s'agissait de violations répétées et graves de la communauté. Comme toujours, et je cite, « Nous retirons les contenus inappropriés dès que nous en avons connaissance. » Outre l'ajout de vidéos, le profil du compte a également été modifié pour mettre en avant le pseudonyme d'un autre utilisateur nommé Mr. EdXWX. La description du compte le ciblait également comme l'instigateur de ce piratage. Et je cite, « Qui n'aime pas le porno, les enfants? » Bien, tout le monde aime ça. Je suis Mr. Ed et avec mon partenaire Mr. Suicider91, nous sommes là pour vous apporter du super contenu. S'il vous plaît, les enfants, ne laissez pas Rue Sésame reprendre ce compte. Quelques heures plus tard, l'utilisateur connu sous le nom de Mr. EdXWX postait une vidéo dans laquelle il se défend d'être à l'origine de ce piratage. De toute évidence, il s'agit d'un règlement de compte. Hein? YouTube a depuis rétabli entièrement la page de Rue Sésame sans indiquer quelle méthode avait été utilisée pour accéder au compte de l'émission, même si le piratage du mot de passe semble être une méthode plausible. Peut-être qu'il y avait une question piège, genre « Quel est votre personnage de Sesame Street préféré? » Puis là, tu réponds « Elmo », puis là, tout le monde gagne. Ouais. En tout cas, ça se peut. J'allais dire, parlant de piratage, parce que c'est vrai pareil, Windows 7 devient le plus utilisé dans le monde. Ah ouais? Ouais, un des logiciels sûrement les plus piratés aussi dans le monde. Ouais, j'imagine. Windows 7 sorti il y a 2 ans, ça fait déjà 2 ans, c'est quand même quelque chose. Je pensais pas que ça faisait ça. Ça va vite. Il arrive pour la première fois en tête des systèmes d'exploitation utilisés dans le monde au mois d'octobre selon le baromètre StatCounter. Avec une part de marché de 40,23%, il devance Windows XP qui est à 38,62% et Windows Vista à 11,18%. Derrière le trio de tête Microsoft, Mac OS X continue sa lente percée avec 7,8%. Tandis que Linux demeure à un niveau anecdotique. Bon, ça c'est juste pour les vrais amateurs experts. Là, 0,82%, on s'attend pas à plus que ça. En France, ça montera jamais non plus. En France, Windows 7 est le système d'exploitation le plus populaire depuis le mois de mars. Il disposerait en octobre d'une part de marché de 40,69%. Toutes les statistiques de StatCounter sont basées sur des données collectées dans le monde entier sur un échantillon de 3 millions de sites web représentant plus de 15 milliards de pages vues par mois. C'est beaucoup. Énorme. Bientôt, des disques durs de 20 Teraoctets, François. De quoi? 20 Teraoctets. Là, présentement, on est à 3 Teraoctets dans le marché. Qu'est-ce que tu veux mettre là-dessus? Ben, des affaires piratées, voyons donc! Ben oui, mais va, il y a un c'est parce que, crime, tu fais pas juste ça de ta vie, là. Non, je sais, mais c'est parce que ce qui est. Tu manges? Ouais, oui, mais oui, mais oui, mais là. T'es aux toilettes. C'est parce que les affaires, oui, tout à fait. Tu vas aux toilettes, au travail. T'as des loisirs aussi. Ouais. Bon. Ma réponse à ça, c'est que les fichiers pour les télés de plus grande, mettons, de plus grande grandeur vont prendre de plus en plus de place en termes de gigs. Mettons, des films vont être de plus en plus lourds avec des Blu-ray qui sont copiés. Les jeux vidéo sont de plus en plus lourds aussi, peut-être, ou peut-être des affaires comme ça. Les émissions de télé, si tu prends 20 Teraoctets. C'est pas juste pour de l'illégal non plus. Mettons, tu vas sur iTunes. Mais ce qui est bien avec 20 Teraoctets, c'est que par rapport à, mettons, tu as un disque de 3 Teraoctets, ça, 3 Teraoctets, c'est genre... 3000 gigs. Donc, à un moment donné, ça finit par monter. Puis à un moment donné, tu arrives très, très proche du 3. Fait que là, tu t'achètes un autre disque de 3 Teraoctets, puis là, tu as 2 disques durs. T'sais. C'est que 20, c'est que tu as du lousse en masse. Tu as de la place pour de l'expansion. Ça. 20, je trouve ça énorme. Ouais, c'est énorme, mais tu sais, on disait ça de 2 gigs dans le temps pour une clé USB. T'sais. On disait ça de 512 mètres pour une clé USB. Avec crime, qu'est-ce qu'il m'a faire avec ça? Ben trop de place. Ouais, mais c'est, à un moment donné, les choses prennent de plus en plus de place parce que t'as de plus en plus de place. Plus t'as une grande maison, plus t'accumules d'affaires, plus quand tu dans une autre maison, t'as besoin de plus gros. C'est sûr. C'est toujours la même chose, l'expansion des choses. Donc, La course continue au Téréoctet. Des chercheurs de Singapour sont parvenus à mettre 6 fois plus de données sur un disque qu'actuellement. Les chercheurs sont partis d'un constat assez simple. Moins il y a d'emballage et plus on peut en mettre. Hey, c'est la même affaire que je tiens juste de dire. Puis j'ai même pas lu l'article. Ils ont donc décidé de travailler sur la structure même des données et sur leur agencement afin d'éliminer les couches et les vides qu'il pourrait y avoir. Ainsi, ils ont réussi à atteindre une densité record de 3,3 terabits par pouce carré, ce qui est 6 fois plus que ce qui est proposé actuellement, ce qui est 0,5 terabits par pouce carré. Un disque dur approcherait donc d'une capacité de 20 teraoctets. Voilà. C'est super. J'aime ça. À la place d'avoir 3, 4, 10 là, de 1 ou 2 ou 3 teraoctets, un seul de 20. Tu mets tout là-dessus puis tu donnes le reste à tes amis. Puis pète puis t'as plus rien. C'est un peu ça. Mais si les prix descendent, par contre, pour un 20 teraoctets, ce qui serait vraiment parfait, c'est que moi, mettons, j'ai comme, mettons 6 disques durs, mettons, de différents nombres de teraoctets chaque. Tout ça là-dessus. Je ferais un backup sur le 20. Au pire, je pourrais garder les originaux, faire un backup sur le 20. Mais qu'est-ce que tu mets là-dessus pour avoir 6 disques durs? Plein d'affaires que je veux pas dire à la radio. Ah, okay. c'est pas vrai. La porn? Non. C'est ça, des affaires, là. Mais surtout la télé. Je suis un grand fan de séries télé. Vraiment. T'es dans l'autre tout? Non. J'ai télécharge, j'ai achète sur iTunes. Ben oui. Mettons. Ben oui, ça se vend. Ça se vend. Ça se vend? En fait, il y en a tellement beaucoup qui se vendent pas. C'est la raison du piratage, Colin. C'est mon argument pour le piratage depuis toujours. C'est que, bâtard, c'est bâtard. Ça commence bien. Si vous voulez que j'achète les séries, mettez-les donc sur DVD, bâtard. Mm-hmm. Non, mais sérieux. C'est parce que écoute. TVA, c'est une chose, OK? Mettons. Ouais. Mettons, tout le monde écoute TVA, bon, tu sais, c'est simple. Moi, j'écoute des émissions vraiment obscures américaines des années 90 ou 2000 qui ont joué pendant 13 semaines puis qui ont été retirées parce que je trouve que c'est les meilleurs, moi, les séries courtes, parce que le public mainstream aime pas les affaires originales, tu comprends-tu? Ouais. Fait que moi, j'aime ces affaires-là, il les aura jamais sur DVD. Jamais. Fait que qu'est-ce qu'ils perdent que j'ai dans Download, sérieux? Non, ça, je pense qu'ils s'en foutent, là. Ben, c'est ça. J'espère, parce que c'est ce que je fais. Et je m'assume tellement. Ouais. Mais bon. Continuons avec une dernière petite nouvelle. Une nouvelle pas cocasse, mais bizarre un peu. C'est une femme qui poursuit Amazon à cause de son âge. Okay? OK. Donc, l'agence France-Presse rapporte un cas pour le moins dérangeant. Une actrice poursuit le site Amazon pour avoir divulgué son âge en utilisant à son insu les informations personnelles liées à sa carte de crédit. Hein? Donc, la dame qu'on va appeler Jane Doe, pour masquer sa véritable identité, réclame 1 million de dollars pour cette atteinte à sa vie privée. Comme l'indique l'agence France-Presse, la dame n'a jamais voulu dévoiler son âge véritable afin d'optimiser ses chances de trouver des rôles au cinéma. Mais voilà, l'actrice s'était inscrite sur le populaire site IMDb il y a 8 ans. C'est quoi ça? IMDb.com, c'est un des meilleurs sites, genre un des sites que je vais voir le plus souvent sur Internet. C'est tu tapes n'importe quel mot, n'importe quel titre de série, de film, un nom d'actrice, et tu peux voir les référencements dans quoi la personne a joué ou dans tel film, quelle personne jouait dedans, puis faire des liens croisés, puis c'est vraiment génial. C'est un site que je capote dessus. Bon. Donc, mais c'est une propriété d'Amazon depuis quelques temps. Donc, en 2008, elle décidait de s'inscrire à IMDb Pro. Ça, c'est pour les artistes eux-mêmes, pour pouvoir avoir leur galerie de photos, leur headshots, des affaires comme ça. Donc, elle a remarqué sa date de naissance qui avait été ajoutée à son profil IMDb, révélant au public qu'elle était beaucoup plus âgée qu'elle ne paraissait avec le Botox, là, sûrement, des affaires-là. Donc, elle a exigé d'IMDb que sa date de naissance soit effacée, ce qui fut refusé. Parce que c'est un site d'information, ils se foutent de tes petits caprices d'actrice. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ils veulent la vérité sur la page, bon. Donc, la plaignante, et je cite, « paraît tellement moins que son âge qu'elle a été recalée à tous les castings cherchant des femmes de 40 ans. » Mais voyons, non! Assume-toi aussi, là. Ouais, aussi, assume-toi. Mais ça, c'est le problème. Le problème est avec Hollywood, là, pas avec IMDb. Je veux dire, si tu parais comme que t'as 35 ans, puis tu veux trouver un rôle de femme de 35 ans, who cares? On s'en fout que t'aies l'air d'avoir 45, 50 ans. Ça devrait... Il me semble, tu sais, gars, il y a des acteurs dans des séries américaines que, sérieusement, leurs parents ont le même âge qu'eux-mêmes. Dans la série. Ah ouais. Sérieux, parce qu'il y en a qui ont l'air plus jeunes, donc qui ont l'air plus vieux, les acteurs plus jeunes. Tu sais, voyons, non? Ah, maintenant, là. Fait que, en tout cas, peu importe, là, mais elle dit qu'elle a eu une perte importante de revenus à cause de IMDb. Ben oui, c'est la faute au site. C'est pas ça. Sa faute. C'est la faute à la vérité, c'est la faute au gouvernement d'y avoir fait un certificat de naissance aussi, puis une carte d'assurance maladie avec ses informations. Elle doit en vouloir sa mère aussi. Sûrement, ses parents. Voyons, non? Tous tes parents. Ouah. Ils ont sûrement bien de l'argent. On va pas dire ça. Ah, en tout cas. Voilà pour la chronique CNX d'aujourd'hui, François. Merci, Mathieu. C'est divertissant, hein? Divertissant à mort. On termine avec du chiptune un peu. OK. On a le temps aujourd'hui. On va y aller avec quelque chose de spécial, par contre. C'est My Mega Drive, qui est un hommage à la console 16-bit de Sega, le Mega Drive, là, aussi nommé... c'est le Genesis, hein? C'est Genesis, le Mega Drive? Je sais pas. Il me semble que oui. Mega Drive, attends un peu, je vais aller chercher. Mega Drive. Je pense que c'était son nom dans d'autres régions du monde. Oui, exactement. Donc, Sega Genesis, qui était connu comme ça aux États-Unis, et puis ailleurs, sous le nom de Mega Drive, le même logo, le même genre de. C'est la même console, juste physiquement un petit peu différent, mais les mêmes jeux qu'il y avait dessus. En gros, là. Donc, c'est un groupe français de New Wave Electronica Ghetto Tech. L'artiste s'appelle 2080. On dit que c'est du chiptune différent parce que la plupart des chiptunes, rappelons pour ceux qui ne savent pas encore, même si on en joue à tous les jours, que chiptune, c'est de la musique créée à partir de consoles de jeux vidéo. Mm-hmm. Moi, j'englobe là-dedans, je sais que c'est pas le terme exact, mais j'englobe aussi la musique qui ressemble à des jeux vidéo, mais qui n'est pas créée à partir de ça. Ça peut être créé par ordinateur. Je trouve que c'est plus facile d'avoir juste un mot que de commencer à décrire les millions de mots qu'il y a pour ça. Ah ouais. Donc, d'habitude, c'est plus avec du Game Boy qu'on joue. Dans ce cas-ci, Mega Drive, Sega Genesis, c'est plus rare qu'on utilise ça. La puce Yamaha YM2612 et la Texas Instruments SN7640 quelque chose là, à l'intérieur sont rarement utilisés. Les sons sont un petit peu perdus à l'arrière parce qu'il y a beaucoup de couches dans cette chanson-là qu'on va l'entendre. Beaucoup de couches qui font que le son, à un moment donné, tombe à l'arrière-plan, hein, genre des affaires originales. Mais quand même, il y a du chant dessus, donc je sais pas, ça pourrait être très différent de ce que tu es habitué d'entendre dans le chiptune, François-Olivier. Oh. Parfait. Voici My Mega Drive dans Scénix à Assemblage. En vu que de la musique, de la, des paroles dessus, on dirait que t'as aimé plus ça que d'habitude. Ouais, j'aimais ça. Si t'avais pas été des paroles, je pense que t'aurais peut-être pas aimé ça. Hein. Non, mais c'est pas super. C'est ouais. Entraînant, là. C'est. Ça galère. Et voilà. Mega Drive de. C'était quoi 2080 2080, 2080. Allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien, bien sûr. C'est ça, c'était dans la chronique. C'est NX, ça, évidemment, évidemment. Évidemment. On a beaucoup de chroniques encore d'ici la fin de l'émission, donc on va continuer en musique pour essayer de se passer au moins quelques pièces par émission. Ce serait comme une pas pire idée. Tu nous fais entendre du Lady Sovereign. Ouais, c'est quand même relax, par exemple, comparativement à ce qu'on vient d'entendre. Nous. Ouais. C'est vraiment plus doux. Plus doux? Plus doux. Comme un petit minou? Comme un petit minou, effectivement. Ouais. Pareil. Pareil. Semblable. C'est un petit minou blême. Oui, avec du papier de toilette en arrière de lui. Hein. Ouais, exact. C'est ça. On écoute la pièce Jigsaw, qu'on aime beaucoup, ici. C'est vrai, ça? C'est parti. Chat parti. C'est parti. Le chat est parti. Oh non, reviens, chat! My heart is like a jigsaw puzzle. Pick it up and fix it for me. Can you figure it out, figure it out? My heart is like a jigsaw puzzle. Pick it up and fix it for me. Are you listening now, listening now? So I'm smoking like a chimney. Feel fucked up, I got too much drink in me. It's a shame that you can't be around. Cause I kinda want you near to me. I got you on my mind, I got shit on my mind. I got plenty of time to just sit and rewind. And just cool up your line and sip on my wine. Cause this is bugging me out and I wish you were mine. Went too far, stole your car, messed about but hear me out. Didn't mean to scream and shout but won't you forgive me now. My heart is like a jigsaw puzzle. Pick it up and fix it for me. Can you figure it out, figure it out? My heart is like a jigsaw puzzle. Pick it up and fix it for me. Are you listening now? Sans trop savoir. Jacques Mort et Feu Follet, Assemblage requis. C'est la fin de la première heure. On se retrouve tantôt avec quoi donc à 8h? Sébastien Dulude. Ah! Oui, avec sa chronique. Va voir ailleurs, je suis. En plein ça. C'est ça. Exactement. Wow. Ça va être bon, ça. Exactement. Et tout de suite après, vers les 8h15, Stéphanie Gagné. Avec sa chronique Ton plat favori et ses coups de cœur de la semaine. Exactement. Suivi de tes crudités et de mon dessert. Tout à fait. Hein, je te le rappelle. Ouais. Ouais, moi aussi. Je vais chercher ça. Je m'en vais voir ça. Ouais. On écoute l'info campus pendant ça. Vous êtes assez fou. Oh, Coconut Isle. C'est comme un autre. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce mardi matin, 18 octobre 2011, à 8h01. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Qui, non? Pas sûr d'avoir compris, là. Mathieu Plante. Ah, là, je comprends. C'est bon. On commence la deuxième heure avec la chronique de Sébastien Dulude, François. Ouais, formidable. On en parlait tantôt un petit peu dans le Zone Campus, parce que vous savez qu'il écrit une chronique dans chaque numéro de Zone Campus, et il nous l'a fait à la radio aussi pour ceux qui ont envie de mettre une voix sur les mots. Une voix sur les mots. Sur les mots. Voici donc Va voir ailleurs, j'y suis. Alors cette semaine, je vous présente une chronique mondaine qui va possiblement revenir. C'est un exercice qui m'a beaucoup plu et je l'ai intitulé « Chin Chin ». Parce que si vous lisez chaque jour le Nouvelliste à Trois-Rivières dans la région de la Mauricie, vous aurez remarqué immanquablement l'infatigable chronique intitulée « Jean d'ici » qui est tenue par un authentique jet-setter trifluvien, un spécialiste des 5 à 7 et de toute évidence, il est très nostalgique de Miami Vice alors qu'un veston pastel seyait à merveille tout pantalon blanc. Alors « Chin Chin » mon Roland. Inscrite dans une longue tradition de chroniques mondaines depuis que la presse écrite existe, Jean d'ici, c'est comme un feuilleton quotidien destiné à offrir un clin d'œil connivant aux gros et moyens bonnets de la Chambre de commerce, aux bonnes blagues d'un député lors d'un souper spaghetti, aux nouveaux retraités heureux propriétaires d'un rutilant Winnebago ou encore à l'auteur du tout dernier trou d'un coup au Méta Béroutin. Roger Brulotte lui-même tient une chronique similaire dans le Journal de Montréal qui s'appelle « Tout partout en ville ». S'il y a une chose que je souhaite de mon vivant, c'est de ne jamais voir mon nom figurer dans ces pages navrantes. Mais comme je l'expliquais en intro, le pastiche est tentant et donc je m'offre ici le vieux fantasme de vous faire une telle chronique mondaine en ne me privant pas, bien entendu, de la subvertir à qui mieux. On pourrait l'appeler même « gens d'ici tout partout qui disent des affaires et font des choses ». Alors, première mention, Gaston Bellemare, président du Festival international de la poésie, s'est dit extrêmement satisfait du bilan de son 27e événement lors de son passage à la première scène de Radio-Canada le 10 octobre dernier. Qualifiant la poésie de médicament pour l'âme, il s'est montré très ouvert à la poésie écrite par des enfants, des aînés, des cégepiens, des analphabètes, des handicapés mentaux. Par ailleurs, au sujet du Off Festival de la poésie, M. Bellemare maintient la ligne dure. Je le cite, « C'est leur affaire à eux. Notre festival est sur invitation. Pourquoi on s'en occuperait? » Fin de la citation. Eh bien, M. Bellemare, peut-être parce qu'il met en valeur les prochains poètes publiés, peut-être parce que des poètes invités au festival y assistent au fameux Off. Seconde entrée, toujours au sujet du Off Festival de la poésie. La première édition du Iron Slam s'est avérée un véritable succès et a couronné le slammeur Frank Poole de Sherbrooke. Seules ombres au tableau, premièrement, il y avait un petit malin qui a cru drôle d'installer dans les toilettes du Maudit, le café où ça sonnait, une affiche qui disait « Ivy vous surveille ». Autre ombre au tableau, Mike McNeil, le slamestre de Sam Morrissey, n'a malheureusement pas pu assister à l'événement. Notons par ailleurs qu'il n'avait pas été retenu pour y participer par les organisateurs. Oh. Également, le restaurant Le Fast Food, ça faisait longtemps que je voulais en parler, ce fast-food chic au décor chaleureux, comme ils se disent eux-mêmes, toujours aussi populaire auprès des trifluviens, en particulier les groupes festifs et affamés. La clientèle y apprécie les burgers variés, les pizzas sympas, les frites belges. Personnellement, je ne supporte plus leur viande, dont la cuisson s'échelonne de très sec à tremper dans le fond de ton assiette, les assaisonnements complètement loufoques et les frites d'un gras indigeste qui insulterait un belge, et sans parler de leur choix de bière qui est digne d'une taverne de vidéo poker. Non, merci. Moi, à ce prix-là, je mange mieux toute une semaine chez Sodexo. Hey, salut mon Jean-Guy et tournez les œufs, s'il te plaît. Par ailleurs, on apprenait récemment que le Café Bistrot La Chasse-Galerie allait connaître d'importantes modifications, qui souhaitant s'agrandir pour offrir plus de confort aux étudiants qui désirent y travailler, en plus de fournir des services alimentaires. Quelle excellente initiative! J'espère toutefois que l'AGE-UQTR ne retiendra pas de nouveau les services de la designer Danielle Gravel, qui avait piloté les travaux de rénovation de la chasse, si vous vous souvenez, il y a 4 ou 5 ans. Gravel, dont le slogan est « Elle casse la baraque », avait eu la très clairvoyante idée d'utiliser un matériau tout à fait robuste et approprié pour un bar étudiant, et je parle ici de l'aluminium. Wow! Résultat, portez un peu attention à la chasse-galerie, à ses luminaires baroques qui pendent du plafond et à la rampe métallique qui borde la scène de la chasse-galerie. Et effectivement, la baraque a cassé! Autre fait à noter à l'UQTR, le service de protection publique de l'UQTR a maintenant sa page Facebook. Hey! Soyez le premier à liker la page et remporter un extincteur! Presque aussi hot que la fanpage de la bibliothèque. Décidément, nos gestionnaires à l'UQTR passent beaucoup de temps sur Internet. Merci, frère afférent. Vraiment, il y aurait tellement à dire sur l'UQTR, tout ce qui se passe sur le campus, des arrivées de nouveaux profs, des départs à la retraite, des nouveaux couples, des décès. Mais pour un chroniqueur mondain, les principes sont les principes. Si t'organises pas de 5 à 7, t'auras pas ton nom dans ma chronique. C'est comme ça. De toute façon, il se fait tard, faut que j'aille me coucher. Il est 19h30 et j'ai tout dépensé mes 10 coupons de vin blanc. À la semaine prochaine. C'était Sébastien Dulude pour la chronique Va voir ailleurs, j'y suis. Merci beaucoup, Sébastien Dulude. On se retrouve toutes les deux semaines, les mardis à 8h. On l'aime. Oui, on l'adore. On aime. Très cinglant, on aime ça. Très, très cinglant. Vif et dans les dents et cassé. Cassé. La baraque. Sébastien Dulude avec Va voir ailleurs, j'y suis. On écoute un petit peu de Gaslight Anthem, la pièce Great Expectations, la pièce qui ouvre leur album de 59 Sound. Et après ça, comme vient de le dire mon téléphone qui a sonné un petit ding. Stéphanie Gagné s'en vient. Formidable. Comment je l'ai appelé? Stéphanie Gagné. Bon. On s'est rendu. C'est l'important. C'est un assemblage requis sur C'est fou 89 FM. Tous les chemins mènent à C'est fou. Dans le studio. Great Expectations, The Gaslight Anthem. Ça, c'est fou. 89-1. FM. Fait que tu fasses des E à la fin. OK. Non, ça va aller, François. Je suis bien convaincu. C'est ça. Tu me limites toujours. Tu me mets les menottes. Puis j'ai jamais le droit de rien dire. OK. On va parler avec Stéphanie Gagné en direct de Gatineau. D'accord. Voici ton plat favori. Bonjour Stéphanie. Allô. Bon matin. Ça va bien? Super, toi? Ben oui, ça va toujours. J'ai entendu dire que tu étais en cours en ce moment, pas la cour, là, la cour suprême. La non, je suis pas en cours non plus, je suis juste à l'école, mais je suis pas en cours. Ah d'accord, donc t'as pas la classe devant toi qui te regarde faire un exposé oral en direct assez fou. Là. On n'est pas pris pour être bon, là? Non, exact, je suis juste à l'école, mais je suis pas en cours. D'accord. C'est juste arrivé plus tôt pour étudier un peu. Ah, ben c'est bon, c'est une fille studieuse, hein, ça paraît. Et voilà. T'as toujours eu l'air d'une fille à ses affaires. Absolument, toujours, ouais. Donc, tu nous présentes tes coups de cœur comme à chaque semaine dans ton plat favori. Quoi de neuf dans ta vie? Dans ma vie, il y a deux choses que je voulais vous parler cette semaine. Pour commencer, Alex Nevsky qui a sorti un nouveau vidéoclip pour la pièce Les Hommes disent peu. Un vidéoclip en noir et blanc. On le voit qu'il joue sur un piano, sur une scène sombre. Il y a des gros plans de ses mains qui jouent. Il y a des jeux de lumière aussi. Des gros plans sur son visage. J'ai aussi l'effet kaléidoscope qu'on a vu dans le clip de Malajube pour la pièce Synesthésie. Ouais. On dirait que cet effet-là revient pas mal à la mode. Puis ce que j'ai vraiment adoré de cette vidéoclip-là, c'est que ça commence super tranquillement, cette chanson-là, et vers la fin, ça devient un petit peu plus intense, il chante plus fort, il joue beaucoup plus fort aussi, et là, on voit la caméra qui se met à trembler selon le beat de la tune. C'est vraiment, vraiment spécial, j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment une excellente pièce, un petit peu dark, mais quand même très bonne pièce. Et aujourd'hui, c'est vraiment une thématique dark. Parce que l'autre chose que je voulais te parler, c'est un film que probablement beaucoup de gens ont vu, et moi je suis un peu en retard. C'est le film Incendie de Denis Villeneuve. Est-ce que vous l'avez vu? On l'a pas, moi j'ai pas vu. Je pense que je l'ai vu, mais je pense moi c'est un dormeur de film. Hein? Fait que peut-être, je sais pas. En partie. Faudrait-tu m'en ma copine? Tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. Je l'ai entendu tellement parler, mais non, je l'ai pas vu. Bon, enfin, c'est un film de Denis Villeneuve qui s'est retrouvé l'année passée aux Oscars dans les 5 finalistes pour le meilleur film en langue étrangère. Aussi remporté 13 Jutras, dont meilleur film, meilleur scénario, etc. C'est inspiré d'une pièce de théâtre libanaise du même nom. C'est l'histoire de deux jumeaux, Jeanne et Simon, qui reçoivent deux lettres de leur mère après son décès. Ça dit de retrouver leur père et leur frère qui ne connaissent pas. Puis il faut qu'elles les cherchent au Moyen-Orient. Ils ne savent pas c'est qui. Puis là, ils sont embarqués dans toute une histoire. Puis en même temps qu'on voit les deux enfants, ils ont dans la vingtaine, mais quand même les deux jeunes qui essaient de trouver des pistes, on voit en même temps l'histoire de la mère qui a fallu qu'ils mettent son enfant en adoption, qui s'est fait violer, qui se ramasse en prison. C'est assez intense, mettons. Ouais. C'est ça. C'est pas un film très, très facile à voir. Pas un film familial. Mais c'est vraiment un film bouleversant, émouvant. À un moment donné, ça m'a vraiment pris par surprise. J'étais un peu en train de m'endormir. Puis là, tout à coup, il arrive quelque chose. J'ai fait le saut. Je me suis mis à pleurer tout d'un coup. C'était vraiment... assez surprenant. Mais c'est vraiment un excellent film. Sérieusement, je suis assez étonnée. Je suis pas une grande fan des films québécois, mais celui-là est assez quelque chose. Et la trame sonore aussi est vraiment très, très bonne. Et dans le film, on entend Radiohead, la pièce You and Who's Army, qui joue à plusieurs reprises pendant le film. Et justement, je voulais vous la faire écouter, mais par contre, elle est un petit peu longue. Fait que... on peut jouer juste un extrait, puis ça va faire l'affaire. D'accord. On jouera ça tantôt, juste après Alex Nevsky. Oui. Dans le même ordre que tu nous les as dit, là. Et puis après c'est ça. Parfait. Après ça, on va revenir avec les crudités de François-Olivier, puis mon dessert délicieux. Peut-être que tu les entendras un jour. On va te les dédier. Ah, balado diffusion. Comment te dire? En balado diffusion, oui. Ben oui. Oui, parce que tu n'écouteras pas la radio. Tu n'écouteras pas la radio pendant tes cours, là. Non, après. Non, c'est important. Là. Ce que tu peux faire dans tes cours, c'est lire le journal étudiant. Ça, on a appris ça tantôt. Ouais. Tu peux lire ça. Ça, ça se fait. Mais t'écoutes pas la radio étudiante dans tes cours. Non. C'est noté, ben, hein? Non. Non, OK. Donc, c'est tout, Stéphanie? Rien d'autre? Oui, c'est tout pour moi aujourd'hui. Même merci. Pas de félicitations. Bonne fête, François-Olivier. Rien. C'est ta fête? Mais oui. C'est ta fête? Oui. C'est ta fête aujourd'hui? Ta fête? Oui. Là, non? Eh non. Non, il me semble. Ça me semble que c'est l'été, ta fête. Je voulais juste un peu d'attention. Ah, franchement. Est-tu drôle? Ça a marché. Ouais, ça a marché un peu. Vraiment j'aurais dû continuer le gag. Ben oui. Tu m'aurais peut-être... En plus, on t'aurait dit, on était vraiment en train d'embarquer dans l'histoire. On aurait peut-être fini par chanter, oui, puis tout le kit, là. Ça a été fun. Faudrait le faire un jour. Check bien la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Mais ben, le pire, c'est que tu pourrais... François pourrait le faire au moins 2-3 fois par année sans que je me rende compte qu'il l'a fait 2-3 fois par année, ouais. Parce que le temps est comme tellement flou pour moi dans ma tête, là. Ouais. C'est vrai? Ah, oh, je comprends. Ouais. Bref, merci Stéphanie. Hey, merci madame. Est-ce qu'on chante bonne fête à... On va chanter bonne fête à François-Olivier et Stéphanie avec le délai, je trouve ça va. Hey, non, mais surprenez-moi la semaine prochaine. OK, la semaine prochaine, parfait. La semaine prochaine, okay. C'est bon. Merci Steph. Hey, merci. Mardi prochain, 8h environ. Bye. Bye bye. Bye. Alex Nevsky tout de suite avec Les hommes disent des enfants. Come on, come on, come on, you and his army, you and your cronies, come on, come on, Holy Roman Empire, come on if you think, come on if you think, you can take us on, you can take us on, you and his army. Radiohead avec You and Who's Army dans le bloc Ton plat favori de Stéphanie Gagné. Après le plat favori, c'est toujours les crudités de François-Olivier. Oui, exactement. Et cette semaine, non, ce n'est pas de la musique. Je parle de Call of Duty Modern Warfare 3. Hey, c'est excitant, ça. C'est excitant pour moi. Oui, oui. Non, en fait, c'est Call of Duty. En fait, je m'en cache pas. C'est un jeu que j'adore. C'est un jeu que je peux perdre un temps fou à jouer à ça. Et tu le fais. Ouais, ouais, ben souvent. Je le fais ben moins qu'avant. Okay. Moins qu'avant, en fait, c'est parce que là, le temps se fait rare. Ouais. Donc, voilà. Mais c'est ça. Et puis là, en fait, là, je viens d'apprendre aujourd'hui, ce matin, que Call of Duty Modern Warfare 3 va venir quand même avec avec une version complète, là, ce qui veut dire un espèce de bundle, là, plein de ouais, un ensemble de collectionneur. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Tu l'avais acheté pour le 2, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Qui venait avec l'auto téléguidé avec la caméra et les micros que je pouvais entendre et voir sur ma manette. Génial, ça. Ouais, génial. Là, par exemple, j'étais un peu déçu. Coche en dessous. Hein? Coche en dessous. Oui, oui, vraiment, vraiment, coche en dessous. Et là, il n'y a pas de prix non plus. J'ai pas été. Je suis pas capable d'avoir le prix. Je l'ai même pas trouvé sur Amazon. OK. Donc, je peux pas. Il est pas en précommande. Ouais, non, c'est ça. C'est comme pas officiel non plus. Donc, voilà. C'est Activision qui font l'éditeur du jeu. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Et puis, voilà ce qu'on peut trouver. C'est évidemment le jeu. Une illustration sur le jeu. Non, c'est ça. Une illustration spécifique sur le disque du jeu, donc okay. En fait, le pas la même que celui en magasin, le disque, le DVD va avoir un design différent. C'est ça, exactement. Génial. Un an d'abonnement offert au service Call of Duty Elite. Okay. Je sais pas exactement c'est quoi. Tu t'en sers pas donc. Ben je sais pas exactement c'est quoi là. Un statut spécifique avec des bonus exclusifs, donc, que ce soit l'emblème okay. Que tu retrouves à l'écran. Là. Quand les gens vont te voir sur le live, ça, ils vont voir que tu as acheté le bundle. C'est ça, exactement. Tu as du camouflage aussi. Tu as un boost de points XP, de l'expérience. Hein? Pour le clan, voilà. En fait, tu as le boîtier à métal aussi. Et tu as un journal de guerre de plus de 100 pages avec croquis et dessins. Ah, OK. C'est tout, c'est un peu décevant. Ouais. Par exemple, le journal de guerre, là, je l'avais trouvé sur un autre site, vois-tu, je l'ai pas. Je l'ai fermé, mais il disait que c'était vraiment des un journal, en fait, là, ben, un ou des journaux, c'est peut-être un condensé. Un condensé, merci Mathieu. D'histoire réelle, en fait, de trucs de vrais réels. Ouais, que les soldats ont noté, ont fait des dessins, ces trucs-là. Donc, c'est bien. Ça, c'est cool. Par exemple, côté petit gadget. C'est ça, j'étais un peu déçu. Le monde achète des bundles pour ça, pour avoir un petit toutou, une petite figurine, quelque chose, n'importe quoi. Non, exactement. Mais tu sais, un autre toutou, t'es guidé. C'était cool. C'est cool. C'est sûr que tu vas jouer avec si t'achètes Call of Duty. Ça rentre un peu dans le même. Ouais. Et puis, je me rappelle que pour Modern Warfare 1. Premier du nom, oui. Il y a eu une lunette, en fait, qu'on peut voir la nuit. Night Vision. Ah, arrête-moi, non. Ouais, ça, c'est très cool. Vois-tu, ça, on est capable encore de le commander sur Amazon. Mais il faut faire, tu commandes le bundle du jeu au complet, tu peux pas acheter juste la Night Vision Goggle tout seul? Bonne question, je pense que tu peux, mais c'est un affaire de fou, là. C'est genre 300$. Ben, c'est ça, alors que les bundles, lui... Il coûtait combien ton bundle de la deuxième édition, mettons? 150. Bon, pas si pire, ça. Bon, oui, non, vraiment. Pour un jeu qui coûte en général sûrement au moins une bonne 50-60. 60. D'habitude les jeux en fait, qui sortent, bien entendu, les sortent à 59,99 habituellement. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs pour NHL 2012. Sur Xbox. Sur Xbox, ouais, je parle toujours sur Xbox. Je sais pas, est-ce que les prix des jeux sur ordinateur sont moins chers? Sur ordinateur, j'en achète pas. Je sais pas, moi non plus. Hein, ça me surprend qu'il y ait encore des sections jeux ordinateur aussi, chez Walmart. Moi aussi, ça me surprend. Dans des magasins spécialisés, je peux comprendre, mais quand j'arrive chez Walmart, un magasin à grande surface avec une section jeux PC, je me dis, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui en achètent? Apparemment. Apparemment. Apparemment. Eh ben, tant mieux. Oh, ouais. C'est vraiment un jeu PC, je suis pour ça, là. Pensez pas que je suis contre, là. Mais ça me surprend. Eh ben. C'est tout? C'est tout, c'est tout. Mais c'est ça, en fait, là, on est capable de retrouver. Sur Amazon, la Night Vision, mais qui vient avec le jeu obligatoirement. À l'heure de 293,40. C'est quand même cher. C'est très, très, très, très cher. Évidemment, c'est un jeu qui est 17 ans et plus, hein, donc. Faites attention à ça. Ouais, c'est peut-être pas fait pour les enfants parce que c'est beaucoup de violence en peu de temps. C'est du réalisme, hein, cette affaire-là. Ouais, exactement. Voilà, ça c'était les crudités de François-Olivier. Maintenant, le dessert des cieux de Mathieu. Je me suis gâté avec des petits accessoires de dessert. Là. Je commence par un site web tellement ridicule. QRtime.com. C'est vraiment, c'est littéralement une horloge, mais en code QR. Tu sais, les codes QR, là, c'est des petits genres de codes barres que tu connectes ton appareil avec ton iPhone, mettons. Hein. Ouais. Donc, littéralement. Comment t'écris ça? QR, les lettres QR, time, T-I-M-E.com. Donc, c'est que là, t'arrives sur le site et ça change à chaque seconde. Donc, tu peux scanner ça avec ton iPhone pour savoir là. C'est ridicule, mais je trouvais que l'idée était drôle et cocasse. C'est le gars qui gaspille de l'argent pour ça, puis je suis sûr qu'il y a plein de monde qui y vont. Ça doit coûter super cher. Donc, c'est cher, ouais. Juste de faire ça, les... Juste le faire, exactement. Ça veut dire que tu écris l'heure et puis tu vas littéralement aller construire un code QR sur Internet. Puis là, tu vas faire un site web qui change l'image avec la bonne seconde à chaque seconde de la journée. Est-ce que ça fonctionne bien? Essaye-le, j'ai pas de lecteur QR parce que je trouve que c'est une méchante, méchante perte de temps. Ouais, moi aussi, mais je l'avais downloadé juste pour l'essayer. Par curiosité, c'est ça l'idée, tu sais. On a tellement fait le débat sur les codes QR souvent à Assemblage Requis que ça revient tout le temps à rebrasser les mêmes affaires, mais tu sais, avoir un site Internet... À la place de retenir l'adresse, tu vas aller scanner ça avec ton téléphone pour y aller plus tard. Là. Sérieusement, ça. Tant qu'à ça, ouvre l'application Note et écris l'adresse dessus. Là. François est en train de l'essayer en ce moment. 8h29, 20 secondes. Ça fonctionne. Quelle heure? 8h29, 20 secondes. Merveilleux. Et je sais pas, j'imagine donc, vu qu'on a vu la bonne heure avec notre fuseau horaire, j'imagine que ça doit déterminer ton fuseau horaire dépendant où tu es dans le monde. Ah oui, tu penses? J'imagine. Parce que là, si on peut voir 8h29 heure de l'Est, c'est pas tout le monde qui est à l'heure de l'Est. Sûrement que la personne qui a fait ce site-là est pas à l'heure de l'Est. Là. Ouais, non, j'imagine. Ce serait un méchant hasard si c'était dans le même fuseau. J'imagine. Et je vais te dire comme toi, le monsieur qui a fait ça ou la madame? Méchant loser. Ben oui. Donc voilà pour QRtime.com. Ça me fascine que quelqu'un ait passé autant de temps là-dessus. Deux autres affaires qui me fascinent vraiment beaucoup, je pense que tu les aimerais. T'y revoir sur assemblagerequis.com dans la section ton plat favori. J'ai déjà mis les liens. Le premier, c'est Skate Attack Posters. Donc, ce sont des skateboarders, d'accord, qui, dans leur pays, là, c'est danois, donc au Danemark, là, hein, c'est ça? Ouais. Danemark. Qui, donc, il y a des affiches électorales là-bas parce qu'ils sont en élection, quelque chose du genre. Donc, il y avait des pancartes partout sur les poteaux, les ponts, etc., etc. Donc, ces skateparkers-là, ces skaters-là, ont pris des photos de ces affaires-là, OK, de ces pancartes-là. Ouais. Sont allés ensuite dans un studio de photographie pour prendre des modèles. Ils ont engagé des gens qu'ils ont fait passer en audition pour qu'ils leur ressemblent corporellement. Ils les ont mis dans des poses de skater. tu sais, genre les mains, tu sais, en position de skate avec un skate dans, tu sais, sur le côté, pis tout ça, puis ils ont pris des photos comme ça avec les mêmes habits, les mêmes costumes que les politiciens. Ils sont allés dans Photoshop, les experts là, de Photoshop sont allés enlever tout l'arrière-plan, mettre la même couleur que sur les pancartes. Ils ont fait imprimer ça dans la même grandeur que les pancartes, ils les ont fait plastifier comme des pancartes. Ils sont allés mettre les pancartes en dessous des pancartes électorales. Donc les politiciens ont l'air d'être des skaters. Ah oh, ouais. C'est génial, là, c'est super bien fait, là. C'est où est-ce qu'on peut voir ça, Assemblage Requis? Assemblagerequis.com, dans la section ton plat favori de l'émission du mardi 18 octobre. Et puis vous pouvez voir la vidéo au complet, c'est en langue là, qui parle au Danemark. Là. Et puis sous-titré en anglais, donc vous allez pouvoir comprendre peut-être quelques morceaux. Au moins voir les photos, c'est très bien fait, j'adore le concept derrière ça. Et on termine avec mon préféré certainement cette semaine, c'est des objets synthétiques rendus en 3D dans un environnement. Okay, je vous explique. Ce ne sont pas des vrais objets, OK? Mais ce sont des vraies places. Donc, l'idée, c'est comme une genre de nouvelle technologie, full 2011, où on peut prendre des photos d'une pièce avec des sources de lumière différentes, OK? Et ajouter des objets qui vont être réalistes dans la vidéo. Par exemple, on montre ici, il y avait un genre de petit dragon, un genre de dragon en statue, OK? La photo du statut est intégrée dans la photo et après avoir dit à la photo où sont tes sources de lumière et où sont les angles. Donc vraiment, tu vas prendre les lignes dans ce logiciel-là qu'ils ont inventé, cette technologie-là. Tu mets les lignes dans les où les murs sont, mettons, c'est le mur vertical, ici c'est le toit et le plafond, ici c'est le plancher. Et quand tu vas insérer ton objet, les sources, dans le fond, vont être de perspective, vont être conservées. Et tu peux après ça déménager, bouger ton objet. Et ça va conserver sa perspective. Et tu détermines aussi les sources de lumière. Donc, par exemple, il y a une fenêtre ici, tu vas y dire, avec un carré d'une certaine couleur. Là, moi, je vois vraiment les lignes se construire. C'est un petit peu difficile à expliquer, mais tu peux faire des lignes puis des ronds là, dans ton image. Ta source de lumière va donc réfléchir sur ton objet dépendant d'où t'es. Donc, il va y avoir un ombre qui va être fait sur le plancher avec la bonne perspective. Ah, c'est complètement, cool, complètement pété. Là. Sérieusement, ton cerveau explose en regardant ça. Non, mais c'est vraiment... Wow! T'sais? Moi, j'en reviens juste pas. En tout cas, allez voir la vidéo Rendering Synthetic Objects. C'est Kevin Karsh qui a présenté ça. Donc, c'est du graphisme par ordinateur. On peut même voir à vitesse deux fois plus pour voir comment ça arrive. Dans le fond, vu que c'est un processus qui prend quand même quelques minutes, là, une 10-15 de minutes, tu peux l'accélérer pour voir comment les personnes ont fait pour faire ça. C'est génial. Sur assemblagerequis.com, dans la section ton plat favori, l'émission du mardi 18 octobre. Voilà! Allez-y. Ah, c'est le ballon qui roule à terre, sérieusement, puis qui contourne des objets, puis qui rebondit sur d'autres. Là. Ou encore une table de billard où on ajoute des balles. Il n'y avait, pas de balles. Là. Ça, c'est une photo, là. Littéralement, là, c'est une photo d'une table de billard. Et on voit des balles de billard, des boules, balles, en tout cas, rebondir sur la table. C'est wow! En tout cas, voilà. C'est tout pour mon dessin délicieux. Je trouvais ça particulièrement délicieux. Oh, ouais, c'est très cool. J'adore. On retrouve Stéphanie Gagné la semaine prochaine, mardi à 8h dans Assemblage Requis, puis les crudités et le dessert délicieux. Voilà. Toujours Assemblage Requis, on va continuer avec la musique de Mother Mother et on va l'entendre, pourquoi pas, l'extrait de Stan. Ça fait un petit bout qu'on l'a pas entendu. Mother Mother de Stan. Hey! I keep it a secret. Oh, come on, just one bite. Okay, it's vodka on ice. But then there's women on bikes. Oh, just the women who straddle. Oh, now you are a handful. I forgot about handfuls. Okay, it's everyone here. You mean just all of the people? Yeah, and all of their peers. And all of their pets. And their chandeliers. And their cigarettes. I haven't smoked in years. I can understand the sight of it all. I can understand the sound of it all. I can understand the taste of it all. Oh, don't even know. Everyone's f***ed and they don't even know. Everyone's f***ed. Everyone's f***ed. Everyone's f***ed. Everyone's f***ed and they don't even know. Everyone's f***ed and they don't even know. They don't even know. Everyone's fucked and they don't even know. Rassemble l'équipe pour toi aujourd'hui. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Vous êtes assez fou. Vous l'écoutez. 89.1. François Olivier, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. Blowing the gas field, you caught me lying. Excuse-moi. Tu peux ouvrir les micros à l'avance. Hein? I'm a Robot avec la pièce Scream, assemblage requis. Ben ouais, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'on fait des faits? Est-ce qu'on fait fait? Oui, allons-y. C'est un fait. Je vais fermer ton micro pendant que tu te mouches. Les micros sont ouverts. Yeah! Ouais, oh! Donc, c'est un fait, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables, un peu comme le fait que François est pas en forme ce matin. C'est pas super. Ça, c'est même souvent. C'est des allergies, toi. Non, mais là, c'est la fin de grippe, là, qui dirait qu'il veut pas finir. Bon. Donc, commençons en parlant du iPad qui aurait été conçu avant l'iPhone. François. Non, ouais. Steve Jobs voulait avoir un écran multi-touch, là, t'sais, tactile, mais okay, avec plusieurs doigts en même temps, pour remplacer le clavier sur les ordinateurs. Il a demandé à ses designers d'arranger un prototype, un ordinateur tablette basé sur cette technologie-là. Il a réalisé que la nouvelle interface serait meilleure pour un téléphone. Donc, le focus a changé. Ils ont amené ça plus vers un cellulaire. Donc, c'est devenu l'iPhone, alors que ça aurait pu devenir l'iPad avant. Quand même intéressant, je trouve. Savais-tu que Elvis Presley s'était teint les cheveux parce que naturellement Elvis Presley est blond? Il est blond. En vrai, il est blond. Il se teint les cheveux. Comment est-ce qu'on dit au passé? Teignait les cheveux? Oui, il se teignait. Il mettait de la teinture dans ses cheveux. Aussi, à l'envers de ça, Marilyn Monroe. D'accord? Ouais. Ses cheveux sont naturellement noirs. Ah! Étrange, hein, parce que sa marque de commerce, c'était ses grands cheveux, longs cheveux blonds. Voilà. Eh bien. Les deux dernières personnes qui parlent la langue ayapaneco ne veulent pas se parler l'un l'autre. Manuel Segovia et Isidro Velasquez de la ville de Ayapa au Mexique sont les deux dernières personnes qui parlent la langue indigène ayapaneco. Donc, depuis quelque temps, ils frustrent les anthropologistes. Les anthropologues. De la misère avec ces affaires-là, sérieusement, parce que c'est tellement différent à chaque mot. Faut vraiment que tu le saches. Bref, les anthropologues, ils sont frustrés parce que les deux gars refusent de se parler. Ils s'aiment pas les deux. Les anthropologues de l'université de l'Indiana voulaient faire un dictionnaire d'Ayapaneco, mais ils ont été obligés d'arrêter. Étrange quand même. Plusieurs des 68 langues natives du Mexique sont en danger de devenir, dans le fond, de passer à l'extinction totale à cause de l'éducation espagnole. Donc les gens apprennent plus l'espagnol, la grande langue espagnole, depuis le 20e siècle. C'est ce que ça dit ici? C'est ça. C'est l'éducation qui est plus avancée au 20e siècle. Donc, l'ayapaneco est une des langues les plus en danger. On s'imagine ça avec seulement deux personnes qui veulent pas se parler. Hein? Ouais. Ça achève pas mal vite. Sean Connery s'est fait offrir le rôle de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Il a dit non parce qu'il comprenait pas l'histoire. Il est un peu calme. L'acteur légendaire a dit non à des millions de dollars, des centaines de millions de dollars. Ça doit vouloir, hein? Ouais, mais ça doit. Peut-être pas en même temps, parce que regarde bien ça. Newland Cinema lui a offert un marché, en fond. Il lui a offert de l'argent. Il lui avait promis entre 10 et 15 % de l'argent que la trilogie allait amasser. Ce qui veut dire environ 433 millions de dollars. Voilà. Le James Bond d'origine a dit qu'il ne voulait pas jouer le Grey Wizard de cette trilogie-là parce qu'il comprenait pas l'histoire. Il a lu le livre, il a lu le script du film, il a vu le film et il comprenait toujours pas. Le réalisateur Peter Jackson dit qu'il a des doutes par rapport à ça. Il dit que Connery voulait sûrement juste pas passer 18 mois de suite en Nouvelle-Zélande. Ah! Mais bon. Qui dit vrai, on ne saura jamais. Voilà, on ne saura jamais. Les femmes mangent moins lorsqu'elles sont entourées d'hommes. Ils surveillent leur poids. Ben, je sais pas, hein. Une étude montre que ce que tu manges dépend de ton sexe, dans le fond, de ton genre, là, et avec qui tu es. Donc, quand il n'y a pas d'hommes autour, les femmes mangent plus que lorsqu'il y a des hommes autour. Quand les femmes sont avec des hommes, ils choisissent de la nourriture qui a moins de calories aussi, et en général, elles mangent moins. L'étude montre aussi que si les femmes sont avec un grand groupe de femmes, elles vont manger encore plus. Alors que les hommes, de leur côté, l'étude montre que les hommes mangent à peu près le même nombre de calories et qu'ils sont pas affectés du tout par qui c'est qui est autour d'eux autres. Ils sont en sac. Ils sont en sac bien raide, les hommes. Ils mangent ce qu'ils veulent. En anglais, et j'imagine en français aussi parce que le mot se ressemble, mais bon, le fait dit qu'en anglais, le mot cat... Cat? À l'origine, chat. Oui, chat. À l'origine, voulait dire chien. Quoi? Le mot vient du latin catulus, qui est un petit chien, un chiot, finalement. Cat, ça veut dire un petit chiot, quoi? En vrai. Mais plus maintenant, mais quand même. Plus maintenant. C'est drôle, hein? Bizarre. C'est bizarre, hein? Un homme a été arrêté parce que des adolescents qui sont venus voler chez lui, d'accord? Il y a des enfants qui sont venus voler quelque chose chez le gars. Et ils ont volé, les enfants, la pornographie du gars, du monsieur. Donc, c'est un duo d'adolescents dans la Californie centrale qui sont entrés dans la maison d'un homme et qui ont volé environ 50 CD qui pensaient être vierges. Tu sais que les CD, ça coûte cher, ces temps-ci? Ben, ouais. Plus que les DVD, mettons. Bref, ils ont volé 50 CD et ils ont mis ça dans leur ordinateur pour graver quelque chose, j'imagine. Et ils ont été surpris de découvrir de la pornographie infantile. Donc, infantile? Infantile. Donc, la paire a décidé qu'ils allaient, dans le fond, rapporter ça à la police, malgré le fait qu'ils venaient de voler chez l'homme. Là. Ben oui. Tu sais, c'est ça ta morale. C'est toi, t'es capable moralement, faut que t'ailles dire à la police qu'il y avait de la pornographie infantile, mais moralement, ça te dérange pas de voler quelqu'un. C'est comme t'es... Non, mais là, c'est le père là, qui s'est rendu compte de ça. Comment? C'est le père qui s'est rendu compte de ça. Ça dit pas l'âge des personnes. C'était, ah oui, c'est un couple d'adolescents qui sont allés voler chez l'homme. OK. Et donc, c'est le père qui a exigé qu'il y a... Ah, ça dit pas. Ah non, ça dit pas. Ça dit pas ça, mais peut-être, par contre, peut-être. Mais en même temps, c'est ça. T'sais, les enfants sont arrivés, il y avait des CD, il y avait de la porno dessus. Est-ce que le père aurait vu ça? Je sais pas. Ouais. On sait que ça doit être vraiment très mal à l'aise d'avoir ça en sa possession. Ouais, c'est sûr, tout à fait. Mais tes casse et tes jets, personne ne s'arrange jamais. Ouais, ouais, peut-être aussi. Il n'y a personne qui va aller coller ces CD-là. Non, mais c'est que là, c'est ça, les jeunes, moralement, étaient comme offusqués par la pornographie sur des CD d'un gars, mais ça leur dérange pas d'aller voler quelqu'un. Je veux dire, ils sont où tes limites? En tout cas, bref, peu importe. Donc, c'est ça, la police s'est rendue là-bas, chez le monsieur, pas chez les enfants, et ils ont trouvé encore plus de CD et des ordinateurs. Donc, dans le fond, ils ont pris les ordinateurs dans la maison. L'homme a été arrêté et aucune charge n'a été, dans le fond, portée contre les jeunes, seulement contre le monsieur. Les jeunes, c'est pas grave. Ah, vous ferez ça. Vous êtes comme des gens de super-héros, là. Allez chez les gens, voler des affaires, puis trouvez des affaires illégales aussi. Aidez-nous. Non, ça va très bien. Ça va très bien. Et on termine avec le fait que Fox a dit non à South Park au départ. Ah non. Sûrement qu'un peu comme Sean Connery, Fox doit regretter la décision qu'ils ont prise dans les années 90 de dire non. Ils ont dit non à South Park avant d'être choisis par Comedy Central, dans le fond d'avoir eu leur série sur Comedy Central. Trey Parker et Matt Stone se sont fait refuser par les grands hauts placés là, chez Fox dans un numéro de Details Magazine. Ils ont dit qu'avant qu'ils avaient eu une pitch session avec Fox, donc ils avaient parlé de la série à Fox pour pouvoir après ça avoir un pilote, finalement, le premier épisode produit. Après que la série animée a été refusée par Fox, Fox a donné des conseils à Stone et Parker, des gros conseils. Ils ont dit que l'émission ne fonctionnera jamais, que ça devrait être deux garçons et une fille, et qu'il devrait y avoir plus d'ethnicité. Plus de variété de couleurs de peau dans les personnages et de descendance. Bizarre, hein? Donc, c'est ça. South Park est rendu à sa 15e saison, signé jusqu'en 2013, jusqu'à maintenant. Ah non, ça va bien. Ça va très, très bien pour eux. Fox, alors que Fox, eux, retire des émissions après 3 épisodes chacun. Parce qu'il n'y a rien qui colle sur Fox, on dirait. Bref, voilà pour la chronique. C'est un fait d'aujourd'hui. Il y en aura d'autres demain. Fantastique. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. On s'en va entendre Reine de France. Voici Toxic Toxic. Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. J'en sais fou. Et après ça, bon, on finira l'émission. Ouais. Reine de France et Toxic Tuxedo sur leur maxi, Maxi 2, un été à l'ère de la révolte. J'aime ça. Oh que oui. Et c'est là-dessus que se termine une autre édition d'Assemblage Requis pour ce mardi. Déjà? Oui, exactement, déjà. On se retrouve demain matin, mercredi, à 7h. Demain matin, grosse émission aussi, hein? Oui. On reçoit Yann Martel qui va nous parler d'aide financière. Oui. Chaque mercredi. On a aussi Myriam Fugère et sa chronique aléatoire. Elle nous présente ça un sujet vrai. N'importe quoi. On va le savoir mercredi matin. Tout à fait. Sinon, ben, CNX va être là aussi. Ah oui, exactement. C'est Mathieu Plante. Ben oui, François-Olivier Marchand. Comment t'as dit ça? Mathieu Plante. C'est comme l'effet stéréophonique de Plante. Wow! Il s'en va pour mieux revenir. Ouais. ça nous résume bien. Hein? On s'en va là pour revenir demain matin. Okay. Restez à l'écoute. À 9h, c'est La Sécheuse. Puis à 11h, c'est le Dîner de con avec Danny Janvier. En après-midi, si vous avez raté le voyage insolite ou album classique, ben, c'est le moment de vous rattraper. À 16h, on vient en direct avec une dose d'estrogène, le magazine culturel. Puis en soirée, c'est du métal et de l'horreur avec Réanimation et le Dr. Pendragon. Oh! Rar! C'est ça. Fait que allez voir sur assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et pour les balado-diffusions et cif.ca pour la programmation complète. Puis passez une belle journée. Ben oui, certainement. Est-ce qu'on se quitte avec de la musique? On pourrait se quitter avec de la musique. On a plein de temps encore. Ben oui. Qu'est-ce qu'on écoute? L'Alberta rural. Ah, c'est ça. L'Alberta rural, l'avantage est dans l'Alberta rural. C'est Rural Alberta Advantage. Hein? Ça vient de Montréal, ça. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est quand même bizarre. Ouais. Ouais. Stamp? Stamp. Très bonne pièce. Sur C'est fou? Ah, ça met le bon mort. Ça part bien de journée. Si seulement on venait de la commencer. Non, mais tu sais. Les gens normaux viennent de la commencer. Ouais, c'est ça. Ça ressemble plus à ça. À demain. À demain. Wasted tonight.